Le ciel se chargeait de gros nuages vers le nord. Les voyageurs se trouvèrent vers 8 heures du soir, par 30 degrés 40 de longitude et 4 degrés 17 de latitude. Et sait-on, dit le docteur, si quelque jour cette contrée ne deviendra pas le centre de la civilisation? Après avoir épuisé l'Asie, l'Europe et l'Amérique, l'Afrique offrira aux races nouvelles les trésors accumulés depuis des siècles dans son sein. Et ce pays, sur lequel nous planons, plus fertile, plus riche, plus vital que les autres, deviendra quelque grand royaume où se produiront des découvertes plus étonnantes encore que la vapeur et l'électricité. « Ah, monsieur, dit Joe, je voudrais bien voir cela. »« Tu t'es levé trop matin, mon garçon. »« D'ailleurs, dit Kennedy, cela sera peut-être une fort ennuyeuse époque que celle où l'industrie absorbera tout à son profit. À force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles. Je me suis toujours figuré que le dernier jour du monde sera celui où quelque immense chaudière chauffée à 3 milliards d'atmosphères fera sauter notre globe. » Et j'ajoute, dit Joe, que les Américains n'auront pas été les derniers à travailler à la machine. En effet, répondit le docteur, ce sont de grands chaudronniers. Mais, sans nous laisser emporter à de semblables discussions, contentons-nous d'admirer cette terre de la Lune, puisqu'il nous est donné de la voir. Le soleil, glissant le dernier rayon sous la masse des nuages amoncelés, ornait d'une crête d'or les moindres accidents du sol. Arbres gigantesques, herbes arborescentes, mousses à ras de terre, tout avait sa part de cet effluve lumineux. Le terrain, légèrement ondulé, ressautait çà et là en petites collines coniques. Pas de montagnes à l'horizon. D'immenses palissades broussaillées, des haies impénétrables, des jungles épineuses séparaient les clairières où s'étalaient de nombreux villages. Les euphorbes gigantesques les entouraient de fortifications naturelles, en s'entremêlant aux branches coralliformes des arbustes. Bientôt, le Malagazari, principal affluent du lac Tanganyika, se mit à serpenter sous les massifs de verdure. Des bestiaux à grosses bosses pâturaient dans les prairies grasses et disparaissaient sous les grandes herbes. Les forêts, aux essences magnifiques, s'offraient aux yeux comme de vastes bouquets. Mais dans ces bouquets, lions, léopards, hyènes, tigres se réfugiaient pour échapper aux dernières chaleurs du jour. Parfois, un éléphant faisait ondoyer la cime des taillis, et l'on entendait le craquement des arbres cédant à ses cornes d'ivoire. « Quel pays de chasse !» s'écria Kennedy, enthousiasmé. « Vois donc ces hippopotames qui se glissent hors des étangs, ces masses de chair sanguinolentes et ces crocodiles qui aspirent bruyamment l'air !» Le silence se fit peu à peu sous l'influence de l'orage. La nature entière offrait les symptômes d'un cataclysme prochain. À 9 heures du soir, le Victoria demeurait immobile au-dessus de la Msene, vaste réunion de villages à peine distincts dans l'ombre. Dans cette partie de l'Afrique, pendant les orages équatoriaux, il n'est pas rare de compter de 30 à 35 éclairs par minute. Le ciel est littéralement en feu et les éclats du tonnerre ne discontinuent pas. Le vent se déchaînait avec une violence effrayante dans cette atmosphère embrasée. Le ballon tourbillonnait à donner le vertige. Mais il montait toujours. Au bout d'un quart d'heure, il avait dépassé la zone des nuages orageux. Les effluves électriques se développaient au-dessus de lui, comme une vaste couronne de feux d'artifice suspendue dans sa nacelle. C'était là l'un des plus beaux spectacles que la nature put donner à l'homme. En bas, l'orage. En haut, le ciel, étoilé, tranquille, muet, impassible, avec la lune projetant ses paisibles rayons sur ses nuages irrités. Docteur Ferguson consulta le baromètre. Il donna 12 000 pieds d'élévation. Il était 11 heures du soir. « Grâce au ciel, tout danger est passé, dit-il. Il nous suffit de nous maintenir à cette hauteur. »« C'était effrayant, » répondit Kennedy. « Bon, répliqua Joe, cela jette de la diversité dans le voyage, et je ne suis pas fâché d'avoir vu un orage d'un peu haut. C'est un joli spectacle. »